gestes, on salue le drapeau. La croix gammée sous la veste, on a la même peau. On est si bien ensemble, mais quel est donc ce on si puissant qu'il rassemble des cortèges de cons. On est si bien sur le ciel, devant un mur de pierre ou de lamentation.